scientifique actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5h. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Nous sommes en 1968. Nous avons vécu les événements de mai en France, puis c'est à la Tchécoslovaquie que nous nous sommes intéressés et à laquelle nous nous intéressons. L'autre 68, le printemps de Prague, tout d'abord les ouvertures manquées de la Tchécoslovaquie, puis du printemps à l'été 68, de l'espoir au désespoir. Voici le troisième et dernier volet de cette série. Depuis 5 ans que l'armée russe avait envahi le pays de Thomas, Prague avait beaucoup changé. Les gens que Thomas croisait dans la rue n'étaient plus les mêmes qu'avant. La moitié de ses amis avaient émigré et la moitié de ceux qui étaient restés étaient morts. C'est un fait qui ne sera consigné par aucun historien. Les années qui ont suivi l'invasion russe ont été une période d'enterrement. Jamais les décès n'ont atteint une telle fréquence. Et je ne parle pas seulement des cas, somme toute assez rares, où des gens ont été traqués à mort comme l'a été Jan Prochaska. Mais la mort frappait aussi ceux qui n'étaient pas directement persécutés, s'infiltrant à travers l'âme, le désespoir qui s'était saisi du pays s'emparait des corps et les terrassait. Milan Kundera. Mon mari, maintenant, il travaille comme conducteur des bulldozers. Je travaille aujourd'hui comme puisatier. Je ne vais pas dire qu'est-ce que je fais, ma profession, parce que j'ai peur de mon chef. Rudolf Sanski. Après 1968 et surtout après 1969, donc après l'arrivée au pouvoir de Gustav Husák, ont été renvoyés du Parti communiste près de 500 000 personnes. Et bien sûr, la répression ne touchait pas seulement les adhérents du Parti communiste. Des centaines de milliers de gens ont perdu leur emploi dans l'économie, dans le service public, dans l'armée, dans la police, dans les professions libérales. La Tchécoslovaquie a ainsi perdu une large couche de ses cadres de gestion, de ses chercheurs, de ses techniciens qui encore aujourd'hui ne peuvent retrouver leur poste de travail. En outre, des centaines de milliers de gens ont été obligés de quitter leur pays. Une émigration qui compte quelques centaines de milliers de personnes signifie pour tout pays, au cas où ces gens ne peuvent revenir, une perte irréparable. Personne de notre office ne travaille plus comme un journaliste. J'étais 3 ans en prison. Après, j'ai travaillé comme un gardien de nuit pour 1 an. Et maintenant, pour 4 ans, 5 ans, comme un chauffagiste. C'est impressionnant, Jiréd Inzbir, parce que aujourd'hui, dans un pays que tout le monde dit très surveillé et où effectivement le contrôle policier est très fort, vous semblez n'avoir peur de rien. On fait cette interview en public. N'avoir peur de rien. Oui, tout le monde a peur. Mais il y a 2 choses si difficiles comme pour les gens qui pouvaient travailler dans leur profession, qui n'ont pas été attaqués comme les ennemis du peuple. Ça. Pour moi, c'était une réaction normale que je n'ai pas accepté ces accusations. Et c'est mon devoir de lutter tout ça. La deuxième chose est que nous ne vivons pas dans un pays très brutal dans le sens physique. On a détruit beaucoup de carrières, on a envoyé beaucoup de gens dans les prisons pour 3, 5, 6 ans, 9 ans, pendant cette période. Mais on ne vous tue, on ne vous bat pas, on ne vous... pas. C'est désagréable de voir la police chaque mois, mais pour moi, ce serait beaucoup plus désagréable si j'ai l'impression que je supprime mes opinions parce que quelqu'un me veut faire peur. Hirschi Pelikan. On est retourné au programme, aux programmations normales, et donc aussi le programme était, qui était imposé, c'était un programme très neutre, des pièces dramatiques classiques, etc. En tout cas, moi, bien sûr, comme j'étais nommé par Dubček, je dis il faut accepter, parce que le directeur général ne peut pas aller contre le gouvernement, mais je dis tout de suite que dans ces conditions-là, je ne suis pas prêt de servir, et donc j'étais révoqué de ma fonction. Et à quelle date? Tout de suite après l'intervention soviétique, au commencement de septembre. Et puis j'étais envoyé dans le service diplomatique en Italie comme conseiller de l'ambassade. C'était une solution de compromis. Dubček lui-même m'a dit peut-être tu vas, c'est mieux pour toi de disparaître pour un an de la Tchécoslovaquie parce que Brejnev est très fâché, il a voulu ta tête. Alors après un an, tu retournes et tout sera de nouveau bien. Parce qu'il était convaincu que l'orage passé, on pourrait de nouveau pas reprendre le programme de réforme du printemps de Prague. Donc, ils ont inventé des jobs étrangers pour moi, pour Pelikan. Antonanim. Plutôt bidon. Et comme ça, je me suis retrouvé à Paris avec un bureau du cinéma tchécoslovaque. Milan Šimečka, rencontré à Bratislava, écrivain, condamné après 68 à conduire des bulldozers. Curieusement, lorsque vous avez écrit sur la normalisation, vous avez appelé votre livre « Le rétablissement de l'ordre ». Des esprits critiques pourraient plus penser que vous signifiez par là que 68 c'était l'anarchie, et peut-être aussi, parce que c'est l'image que vous avez laissée, que la critique que vous avez portée vous a conduit à devenir conducteur de bulldozers. Et en même temps, ce que vous nous avez appris sur les enfants qui dénonçaient leurs parents. Je voudrais savoir si ça s'est fait brutalement, comment ce mécanisme s'est mis en place après le 21 août 68. Ten proces, který jsem popsal v knize Obnovení pořádku. Le processus que j'ai décrit dans le livre « Le rétablissement de l'ordre » a commencé dès le changement à la tête du Parti communiste à l'automne de l'année 1969 et ensuite en 1970 et 1971. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une conception établie et préparée à l'avance. Tout simplement, on a continué d'appliquer des méthodes dont on avait l'expérience, c'est-à-dire on a continué dans le type de persécution qui a été mis en place dans les années 50. Cela dit, je dois préciser que le degré de cette persécution n'était pas aussi intense dans les années 70 comme il l'a pu l'être dans les années 50, mais les méthodes étaient à peu près les mêmes. Si vous me demandez quelle était la réaction des gens face à, pas seulement face à moi, mais face à tous ceux, ces dizaines, ces centaines de milliers de travailleurs qualifiés, des chercheurs, des professeurs d'université, des écrivains et autres, qui ont dû quitter leur emploi et travailler par la suite comme ouvriers. Cet état de choses était pris lui aussi comme la suite de quelque chose que nous connaissions déjà. Déjà dans les années 50, ce qui comptait, c'était d'avoir un travail. Et on savait que la plus grande force d'un État totalitaire consiste à pourvoir à l'emploi de tous, et donc que le pire qu'il puisse faire à des gens, ce n'est pas tellement qu'ils les mettent en prison, mais qu'ils leur enlèvent la possibilité, non pas seulement de gagner de l'argent, mais qu'ils leur enlèvent la possibilité de se rendre utile humainement, de mûrir, qu'il leur prépare une situation dans laquelle l'homme sent le temps qui passe et que lui, il rate sa mission dans sa vie tout court. Ça a été très important. Et je dois dire que mes collègues ouvriers, avec lesquels je travaillais sur des machines de construction et dans le bâtiment, ne m'ont pas tellement considéré comme une exception. Ou si vous voulez, que je ne représentais pas un cas très rare. Ils connaissaient dans le passé des avocats, des gens de divers métiers avec qui ils ont travaillé. C'était donc une suite de quelque chose que nous connaissions déjà. En 1969, le mot « ordre » commença à avoir une autre signification. Applaudissaient surtout aux appels à l'ordre ceux qui y voyaient une promesse secrète d'un retour à toutes les composantes du système politique contesté lors de l'évolution tumultueuse de 1968. Par ordre, on sous-entendait alors celui des années qui avaient précédé 1968, même si, à l'époque, personne n'aurait osé dire ouvertement sa préférence pour le rigoureux système du passé. En public, tous les hauts fonctionnaires du parti ou de l'État se disaient les partisans inébranlables du processus de renouveau et promettaient d'en préserver aussi à l'avenir les aspects positifs. Mais lequel d'entre eux n'aspirait pas, dans le secret de son âme, au régime plus simple d'obéissance civique absolue qui facilite tant le dur labeur des politiciens? Lequel d'entre eux, dans le secret de son âme, n'appelait-il pas de tous ses voeux la tranquillité, après ces longs mois de tension et de fatigue causés par les innombrables réunions, les discussions, l'impertinence des reporters de la télévision ou des journalistes et les exigences d'un peuple désobéissant? Le désordre a-t-il régné ou non en Tchécoslovaquie? Du point de vue du socialisme réel, un désordre absolu s'était emparé de la Tchécoslovaquie. Alors comment se fait-il que la société tchécoslovaque s'est si vite refermée, que le 21 août 68 a été pour les troupes du pacte de Varsovie un succès si rapide? Dans votre livre, vous décrivez donc les enfants qui dénoncent leurs parents. Comment est-ce qu'en quelques mois, quelques années, on est arrivé à faire des enfants des délateurs? La question que se pose ici un bon nombre de gens, et cette question doit se poser aussi dans d'autres pays, c'est-à-dire pourquoi une société s'écroule, surtout moralement, si vite, et qui a pourtant auparavant élaboré un certain nombre de traditions démocratique, qui avait une conscience de la morale. Personnellement, je pense qu'il faut comprendre ceci. Quand quelqu'un ou quiconque a vécu une invasion, qu'il a subi ce fait concret, qu'il a vu ses chars, des centaines de milliers de soldats, des canons, toute cette technologie, des avions, alors il ne pouvait se poser qu'une seule question. Mais bon Dieu, contre qui doivent servir ces canons? Ils ne vont quand même pas tirer dans les gens. Le sens de toute cette action était d'obliger tous ceux qui ont vécu l'invasion dans leur propre chair, qui ont vu tout cela, les obliger d'abandonner toute idée de résistance, pour qu'ils s'effondrent moralement, pour qu'ils se disent « voilà, telle est la réalité, ce monde n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur de s'engager, nous n'avons plus aucun avenir ». Et l'homme doit s'organiser de manière à passer des années, personne ne savait combien de temps cela allait durer, comme pour survivre. C'était cela la cassure principale. Je connais ce problème de l'expérience de beaucoup de mes amis, et donc pas seulement de ma propre expérience. Tout d'un coup s'est posée la question de l'avenir. Personne ne savait combien de temps cet avenir allait durer. Il a été très clairement dit que ne pourra vivre normalement que celui qui saura s'adapter comme il faut Le docteur Roussac a formulé ceci de manière suivante. Chacun de nous écrit son propre rapport le concernant. Le mot rapport a dans notre pays une grande et traditionnelle signification. Sur la base d'un tel rapport, on crée, en fait, tout le destin d'une vie, le destin d'un homme. Les gens s'en sont rendus compte, et c'est pour cela qu'il s'est passé ici, cette sorte d'horrible retournement, et en même temps, et même en ce qui concerne la morale. L'État a très clairement spécifié qu'il ne s'attaquera pas seulement aux adultes, mais que la sentence, ou disons la colère étatique, touchera toute la famille. Ceci était très rapidement mis en pratique. Donc moralement, chacun s'est trouvé devant ce genre de problème. Est-ce que la vérité, l'attitude morale en vue d'un avenir dont on ne sait rien, la sauvegarde d'une conscience pure, est-ce que cela est plus important que de prendre en considération sa propre famille? Donc, se voûter, courber les chines, révoquer tout ce que j'ai dit et survivre d'une manière ou d'une autre à tout ce qui nous attend. De ce point de vue-là, les enfants ont joué un rôle d'une grande importance. Même en ce qui me concerne, ce n'était pas simple. C'est-à-dire, comme d'ailleurs le disent souvent certaines personnes, faire en sorte que je détruise ma propre famille. C'était un énorme problème moral. Nous en avons beaucoup discuté. Dans une vie simple, dans ce que j'appelle la petite histoire, un tel problème n'a pas le même sens que dans la grande histoire. Quand on voit autour de soi la tristesse, les pleurs, alors on se demande si cela vaut une quelconque attitude politique. Est-ce que cela vaut les larmes de sa propre femme? Ce n'est pas encore une question morale très clairement résolue. Jestli je to tak, tak řekni proč a nač. Proč máš, táto, teď na krajíčku tlač. Antoine Spire, vous avez rencontré Alexandre Doucek à Bratislava. Il n'a pas voulu vous donner d'interview. C'est Milan Chimeka qui m'a accompagné chez Doucek. Je veux dire, d'abord, j'ai été frappé par sa maison. C'est-à-dire que sa maison, c'est une datcha magnifique. J'y ai été dans des conditions un peu difficiles parce qu'on était suivi par la police et que ça se faisait plus ou moins clandestinement, bien évidemment. Cette maison luxueuse m'a plutôt étonné. D'autant plus que lorsque je suis monté dans cette maison, j'ai constaté que Doucek est dans sa cuisine, devant une table en formica, avec deux transistors, très très beaux transistors, les antennes tendues vers le plafond. Et en fait, il écoutait Voice of America. Il écoutait Voice of America qui disait un programme qui reportait une interview de Doucek dans Time Life. Il venait de donner une interview à un journal américain. Pourtant, il n'a pas voulu donner d'interview à la radio française. Il vous a demandé de revenir cet été au mois d'août. Oui, parce qu'il m'a dit « Ah, peut-être on verra, on pourra dans un mois ou deux, c'est ma tactique, c'est ma stratégie. » Vous savez, j'ai une très grande stratégie médiatique, m'a-t-il expliqué. Et il voulait dire par là qu'il ne pouvait pas intervenir n'importe comment dans les médias occidentaux, qu'il voulait se préserver, se garder. Et en conséquence, il m'a fait plutôt un résumé de ce qu'il venait de dire à Time Life. En deux mots, ça signifiait, pour moi, l'essentiel, c'est qu'on me rende justice, à moi, Alexandre Doucek, et à mes camarades du Printemps de Prague, qu'on nous réintègre à l'intérieur du parti, qu'on joue essentiellement le pluralisme à l'intérieur du parti, mais pas dans la société. Peter Hull. Ni le symbole, bien sûr, le symbole de quelque chose qui ne l'est pas réellement. Il est le symbole de Printemps de Prague, de cette époque de la liberté, de la libre expression. Et on se souvient, on rallie Doubček avec cette période. Mais les gens qui sont un peu plus politisés le critiquent. Et les jeunes, c'est-à-dire les gens qui ont 20 ans jusqu'à 30 ans, alors pour eux c'est un peu moins déjà le symbole que pour les autres. À mon avis, Il n'est pas entouré par beaucoup de personnes, il est assez isolé. Ce sont vraiment quelques individus qui collaborent avec lui. Et il ne peut jamais réaliser son plan politique par, disons, ses propres forces et par ses camarades. Et les ex-communistes qui sont dans la charte ont des positions politiques un peu différentes de lui, bien que ce soit toujours les positions politiques d'un réformisme. Alors ils sont assez proches à lui, ils veulent l'utiliser justement comme un symbole, sans accepter ses idées actuelle. Bien sûr qu'on lui reproche qu'il se taisait pendant 20 ans. On lui reproche aussi que dans son interview pour l'UNITA, il se taisait sur la période entre le 21 août jusqu'à la fin de 69, où il était jusqu'à l'avril 69 le premier secrétaire, et comme tel, il soutenait la normalisation d'une manière assez efficace. Et entre avril et, je pense, novembre 69, il était encore le président du Parlement. Et comme tel, il a signé, par exemple, les lois antipopulaires selon lesquelles moi et mes camarades nous étions arrêtés en décembre 69. Alors, sa responsabilité pour la normalisation est énorme. Dubček n'est pas seulement le symbole du printemps de Prague, mais pour beaucoup de gens qui se souviennent de l'époque, il est aussi le symbole de la normalisation qui suivait. Et il n'en parle pas, il n'a consacré aucun mot, il ne reconnaît pas sa culpabilité pour cette période. En plus, il part presque pas sur les droits de l'homme, il touche pas du tout le rôle dirigeant du parti, comme, disons, le principe consacré. Actuellement, 20 ans après, il ne va pas si loin comme le programme d'action en avril 68. Surtout son programme personnel, sont deux points. Tout d'abord, il faut lui rendre l'honneur politique, à lui et à ses camarades qui ont été également punis comme lui, écartés du parti. C'est-à-dire, il faut réhabiliter leur conception politique du réformisme de 68. Et le deuxième point, il faut unifier, ou plutôt réunifier le parti de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui sont hors du pouvoir. Alors je pense qu'un tel programme ne peut pas du tout intéresser le peuple tchécoslovaque. Madame Makonin. C'est-à-dire, pour moi, il représente toujours une idole des années 68, mais à mon avis, le fait qu'il s'est retiré pendant 20 ans de tout, qu'il a renoncé à la vie publique, qu'il a renoncé de travailler publiquement et politiquement, tandis que nous, les autres, on fait tout ce travail de la charte et de tout ça, il me semble qu'il n'y a rien de louable et qu'il n'y a que l'idole qui survit en lui. Moi, en tout cas, je l'aime bien. C'est toujours pour moi une idole, mais je préfère maintenant les autres. Il a perdu un peu mon estime parce que, justement, il est resté dans sa position d'ancien communiste et il n'a pas fait un effort pour évoluer politiquement. C'est surtout tout ce que fait la charte 77 et c'est tout ce que fait Infoch, c'est-à-dire Le Vons. D'abord, je veux dire que ce sont ces deux organisations qui représentent pour moi ce qu'on a fait de plus politiquement et moralement pour ce pays. Et parmi les écrivains, c'est Ludwig Vaculík et Václav Havel qui représentent pour moi le sommet de la pensée. Il y en a d'autres, mais par exemple, surtout Ludwig Vaculík me semble le grain de la vie, c'est quelqu'un qui ne sait céder jamais, qui ne cédera jamais. C'est surtout un très grand écrivain, ainsi que Václav Havel. Dépositaire de l'héritage du printemps de Prague ? Oui. Oui. Anonyme. Moi, je crois que dans la ligne essentielle, la politique de Gorbatchev, de la perestroïka et de la glasnost est une copie, mais copie, Xerox copy, comme on dit, c'est-à-dire une copie, une photocopie des réformes de Prague. Si vous prenez par exemple, c'est pas la réforme économique hongroise ou encore moins polonaise que Gorbatchev a pris comme modèle, mais la réforme économique de Chic des années 60, qui dès le début, à la différence des Hongrois ou des Polonais, avait prêché l'impossibilité d'une réforme économique sans une réforme politique. Je crois d'ailleurs que la destruction, l'invasion de la Tchécoslovaquie a privé l'Union soviétique elle-même d'un énorme laboratoire fantastique où on aurait pu tester beaucoup de choses qu'on n'a jamais pu tester vraiment. Alexandre Adler, vous êtes enseignant à l'Université de Saint-Denis et depuis des années vous suivez le détail de ce qui se passe dans les pays de l'Est. Alors comment faire cette comparaison entre le printemps de Prague et ce qui s'est développé depuis quelques années avec Gorbatchev en Union soviétique? Tous les Tchèques que nous avons rencontrés insistent sur le parallélisme des deux démarches. Vous agréez bien sûr avec cela? Oui, la comparaison est absolument évidente dans le détail, même parfois des programmes et des formules. Pour prendre un des points qui a le plus frappé les observateurs étrangers, c'est l'élection pluraliste à tous les niveaux et en particulier dans les entreprises. Eh bien, c'est un des éléments clés du programme du 14e congrès qui se tient clandestinement alors que l'invasion soviétique a déjà commencé. Et c'est sur ce point-là que Gorbatchev a ouvert le clivage au sein de la direction soviétique à partir de janvier 1987. La formation économique des conseillers de Gorbatchev, Agan Begian et ses amis, celle d'Otachik, est exactement la même. Les propositions, bien sûr, à l'échelle de l'économie soviétique n'ont pas la même nature que le programme d'action que Otachik avait fait adopter déjà par Novotny finissant. Mais en gros, il s'agit de la même idée, c'est-à-dire d'une ouverture très large du marché, d'une tentative de rétablir la vérité des prix et de mettre les secteurs de haute productivité en compétition avec le marché international. On a parlé d'autogestion, c'était un peu exagéré à propos de 68. En Tchécoslovaquie, oui, c'est exagéré, mais l'expression autogestion dans sa réalité elle-même est assez vague, puisque ce sont les Yougoslaves qui l'ont inventée pour essayer de définir un modèle alternatif du socialisme soviétique. Et au fond, on peut parfaitement admettre que cette idée de remettre une partie du contrôle de la production et de la vie de l'entreprise à des conseils ouvriers représentait une forme de gauche, disons, de ce que Gorbatchev essaie de faire avec les collectifs de travailleurs et ses élections, des délégués d'atelier tous les 3 ans, des directeurs d'entreprise tous les 5 ans. Déjà, un certain nombre d'analyses ont insisté sur le fait que la brutalité de la réaction soviétique dans l'expulsion de Dubček de la tête du parti en 69, 6 mois après l'intervention, était due au début de mise en application de ces mesures. Donc on mesure évidemment par là quelle peut être leur réaction à l'idée que maintenant un tel système pourrait progressivement prendre racine en Union soviétique. Alors, restons sur les conseils d'ouvriers un instant. Ces conseils d'ouvriers, du point de vue de leur structure et du point de vue de leur fonctionnement, vous paraissent comparables avec ce qui a été fait effectivement par Gorbatchev? Je pense qu'il faut un peu nuancer les choses parce que ce n'est pas tellement la nature des propositions qui différencie les Tchécoslovaques des Soviétiques. C'est la nature des sociétés. Lorsque on pense à la Tchécoslovaquie de 1968, c'est-à-dire 20 ans seulement après la prise du pouvoir total par le Parti communiste, on doit avoir à l'esprit qu'il s'agit d'une classe ouvrière très organisée, très qualifiée, avec des traditions politiques importantes, un syndicalisme de masse qui fait un peu penser à la CGT française des grandes années de l'industrie française, des années 60-70. Et donc, évidemment, des propositions d'élection signifient une vraie prise de pouvoir par ce syndicalisme de tradition communiste, mais en train d'évoluer vers une sorte de social-démocratie semi-léniniste. Tandis qu'en Union soviétique, la caractéristique de la situation présente, c'est qu'il n'y a pas de mouvement ouvrier, ni de tradition de ce genre. Il y a une tradition de caporalisme généralisé, il y a une certaine fluidité de la société qui est encore visible aujourd'hui. On n'en est plus tout à fait à l'époque où la durée moyenne d'emploi d'un ouvrier dans une entreprise était d'un an, un an et demi, mais encore aujourd'hui, il n'y a pas d'attachement des travailleurs à leur entreprise. Et tout le mécanisme auquel Gorbatchev, avec ses conseillers comme Tatiana Zaslavskaya, a pensé, vise justement à stabiliser la population ouvrière autour d'un projet industriel de manière à permettre une requalification globale de cette classe ouvrière. C'est donc pas le problème de la Tchécoslovaquie, c'est le problème d'une société qui a encore des traits un peu d'un tiers-monde industriel. Alors ce que soulignent beaucoup de témoins du printemps de Prague en 68, c'est l'existence progressivement de plus en plus importante d'organisations non communistes et par exemple d'associations qui commencent à se naître et à se développer indépendamment de l'initiative communiste. Et au fond, il mesure la fermeture du 21 août et des quelques jours qui suivent au fait qu'on interdit ces organisations et ces associations. Est-ce qu'en Union soviétique, il y a eu aussi cette éclosion est-ce qu'il commence à y avoir cette éclosion d'organisations non communistes? Bien entendu, il y a aussi cette éclosion. Curieusement, je dirais que, en fait, le développement de mouvements non communistes est peut-être plus important en Union soviétique qu'en Tchécoslovaquie. Dans l'année 68, la Tchécoslovaquie reste encore un pays dans lequel l'idéologie communiste est très forte. Mais évidemment, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de chercher une voie hors du communisme. Mais ils en partent. Tous les intellectuels qui comptent du printemps de Prague sont des gens de formation communiste qui ont été dans les étudiants communistes à la Libération. Beaucoup ont été des résistants. Un homme comme Dubček, qui est leur symbole, est le fils d'un vieux militant communiste qui a passé 10 ans au Tadjikistan pour essayer de construire le socialisme en URSS. Même des hommes comme Václav Havel et tout cela sont de cette origine politique. Il n'y a pratiquement pas de chrétiens. Quelques vieux militants du Parti social-démocrate demandent à Dubček avant l'intervention de reconstituer leur parti, mais ce n'est pas très important puisque, au fond, la social-démocratie tchèque, avec des gens comme Jiří Hájek, qui à cette époque est le ministre des Affaires étrangères, est très intégré dans l'appareil du Parti communiste. On n'en est plus à l'époque où les anciens sociaux-démocrates étaient à la porte. Donc, au fond, cette structure du parti unique n'est pas ce qui pose le plus grand problème à l'intelligentsia tchèque. Il y aura parmi les auteurs du manifeste des 2000 mots un grand nombre de membres du parti. Tandis qu'en Union soviétique, aussi curieux que ça puisse paraître, la fermeture de l'appareil, beaucoup plus importante dans la fin du brejnevisme que la fermeture de l'appareil novotnien, qui était quelque chose d'assez débonnaire, fait que nous avons maintenant en circulation des gens qui ont eu des expériences beaucoup plus dures. En Tchécoslovaquie, ceux qui ont beaucoup souffert, ce sont des hommes comme Arthur London et Ouzak qui ont été en prison, mais justement ils étaient restés communistes. En Union soviétique, même avec des peines de prison assez courtes, il y a des milliers de gens qui ont eu maille à partir avec la justice de l'époque brejnevienne. Et donc, il y a parmi ces gens-là des gens tout à fait résolus et qui ne se reconnaissent pas dans le parti, même s'ils soutiennent Gorbatchev. Et le second point, c'est qu'en Union soviétique, le phénomène religieux est beaucoup plus important que dans ce vieux pays laïque qu'est la Tchécoslovaquie, ou qu'était la Tchécoslovaquie, puisque après 20 ans de Ouzak, les choses ne sont plus pareilles. Et donc, il y a une dimension aujourd'hui des croyants, des partisans de Solzhenitsyn, que l'on ne voit pas du tout en Tchécoslovaquie. Et alors, dernier point, parce qu'il n'y a pas que du positif dans toute cette histoire, il y a aussi un mouvement qui, en Union soviétique, très alarmant, est une espèce de sortie, comme un furoncle, des plaies de cette société russe, c'est le mouvement Pamiat, qui, sous le nom Mémoire, rassemble diverses personnalités, certaines communistes, d'autres non, autour d'un programme de défense nationaliste dont l'antisémitisme est d'un niveau hitlérien. Si vous regardez, par exemple, aujourd'hui, à Moscou, où, malgré la censure qui existe toujours et tout, comment apparaît à la surface l'antisémitisme, un nationalisme fascisant, etc., qui, des textes, des lettres, etc., des lecteurs qui sont publiés à Moscou. Jamais on n'a rien vu de pareil à Prague. À Prague, c'était vraiment une démocratisation bon enfant, extrêmement disciplinée, une réaction d'une société civile, d'une société ordonnée, qui tout simplement commençait à vivre et à respirer comme elle en avait l'habitude. Václav Benda est l'une des figures les plus célèbres du catholicisme pragois. Il fit autrefois plusieurs années de prison pour opinion non conforme. Sans polémiquer avec les catholiques gouvernementaux de Pace et Minteris, il se démarque maintenant de ses religieux officiels et plaide pour l'autonomie de l'Église catholique tchécoslovaque. V 68. roce jsem byl mladý student. En 1968, j'étais un jeune étudiant. En ce qui concerne concrètement la situation des catholiques, elle s'était effectivement améliorée par rapport à la précédente décennie. On cherchait à rendre à l'Église certaines de ses libertés fondamentales. Néanmoins, il faut se rendre compte qu'à ce moment, l'Église catholique se trouvait dans une grande crise du fait qu'elle a été pratiquement détruite dans les années 50. Et donc, l'Église avait déjà de quoi faire pour s'occuper d'elle-même, avec une certaine possibilité pour elle de revivre, concernait plutôt la décennie qui allait suivre. En 1968, l'Église ne jouait donc pas un rôle souverain et offensif. On peut dire que formellement, tous les interdits concernant l'Église catholique sont restés en vigueur. comme par exemple toutes les lois très dures et restrictives concernant les religions, que ce soit dans le droit civique ou dans le droit pénal, loi promulguée en 1949 et qui limitait toutes les libertés religieuses, ne permettant la pratique des activités religieuses qu'à l'intérieur et rien qu'à l'intérieur des églises. Que ces lois restrictives concernant l'Église qui sont restées en vigueur n'ont pas été en 1968 et même en 1969 aussi strictement observées et pratiquées est une autre question. Donc l'Église avait une plus grande possibilité d'agir de fait sur un créneau plus important. Néanmoins, ce champ d'action pouvait très facilement lui être enlevé après l'occupation des armées du pacte de Varsovie, car il n'existait aucune garantie formelle pour sauvegarder sa liberté. Cette chanson, chère au cœur des catholiques pragois, est dirigée contre les prêtres du catholicisme gouvernemental de Pacem in Terris. Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Est-ce que vous pensez que depuis 68, la place de l'Église a changé, s'est transformée, ou qu'en fait la place de l'Église a toujours été, dans sa grande masse, dans l'opposition, pour le combat démocratique? En 68 et encore plus maintenant, ou bien maintenant comme en 68? Domnívám se, že od února až do dneška katolická církev zaujímala. Je pense que depuis février 48 jusqu'à nos jours, l'Église catholique avait une attitude démocratique et pluraliste, donc aussi bien en 68 qu'aujourd'hui. Néanmoins, le nombre de catholiques défendant cette attitude démocratique et pluraliste a considérablement augmenté depuis 1968. Parce que on peut parler aujourd'hui d'une certaine renaissance de l'Église tchécoslovaque. D'après mes estimations personnelles, depuis 20 ans, le nombre de catholiques a doublé ou même triplé en Tchécoslovaquie. En plus, en comparaison avec 1968, en ce qui concerne ce que j'appelle l'engagement de l'Église dans les affaires publiques, est devenu beaucoup plus massif. Et enfin, c'est ce qui définit aujourd'hui l'Église catholique de manière significative. Alexandre Adler, pour décrire la situation quotidienne des Tchèques de 68, l'un des premiers mots qui vient sous la langue de la plupart des témoins, c'est la presse. Ils se souviennent de la presse et de la radio. La presse libérée, on lisait une presse, on était passionné par la presse, on écoutait la radio, on était suspendu à la radio tchèque et non plus aux radios étrangères. Alors là encore, comparaison possible ? Comparaison, mais avec là une très nette différence au détriment de l'Union soviétique. Je dirais que la presse tchèque de l'année 68 est en tout point quelque chose d'extraordinaire, avec une explosion de talents. Je pense à des gens comme Prohaska, Jiří Lederer, qui ont été, en termes absolus, des inventeurs d'un certain journalisme politique, avec une liberté totale qui tenait à la faiblesse de Dubček et à l'absence de direction ferme. Tandis qu'en Union soviétique, nous sommes quand même dans le domaine du despotisme éclairé. D'abord, il y a des choses absolument bouleversantes, c'est tout à fait évident. Les nouvelles de Moscou sont la lecture la plus intéressante qu'on puisse avoir dans le monde chaque semaine, c'est vrai. Mais en même temps, la presse reste tout de même sous contrôle. Alors, faut-il le déplorer ? Peut-être d'un certain point de vue esthétique, mais d'un point de vue politique, il est probable que c'est absolument nécessaire et que si c'était Gorbatchev et pas Dubček qui avait dirigé la Tchécoslovaquie, la presse aurait été à la fois moins riche mieux canalisé et peut-être plus habile. Cela dit, il est bien évident qu'un homme comme Pelikan, par exemple, pour ne prendre que lui, qui avait ce poste de directeur de la télévision, était un homme dont l'expérience politique était beaucoup plus importante que celle de Dubček et qu'il n'allait pas se faire donner des ordres par le secrétaire général du parti. Si vous prenez l'équivalent des Pelikan aujourd'hui en Union soviétique, il est évident qu'ils sont au garde à vous lorsque non pas Gorbatchev mais Yakovlev leur dit de faire ceci ou cela. C'est peut-être, je le répète, un peu décevant. En même temps, ça montre qu'il y a plus de cohérence politique. Et ça ne fait aucun doute que Dubček, Tchernik, à plusieurs reprises, se sont émus du ton de la presse, notamment de reporters, et ont essayé un petit peu de la museler, mais ils n'y sont pas parvenus, ils n'en avaient pas l'envie non plus. Mais la grande différence, c'est que en Tchécoslovaquie, toutes les institutions culturelles étaient acquises à la réforme. Et donc, elles étaient plutôt des éléments d'accélération. Alors qu'en Union soviétique, 50 années de gestion des unions d'écrivains et d'artistes en ont fait des bastions du conservatisme, des écrivains sans œuvre, des bureaucrates de la culture, qui ne se laissent pas déloger comme cela. Ludvík Vasulík. Oui, ce qui s'y passe est très digne d'estime. Mais je n'aime pas le mot perestroïka, je n'aime pas non plus le mot glasnost, je n'aime rien de tout cela, je n'aime pas non plus le mot samizdat, je n'aime pas aimer le mot komsomol. Et tout simplement, je leur souhaite beaucoup de succès, mais nous, nous avons le droit d'agir indépendamment d'eux. I wish them success. But we have right to act independent on them, even if they will come to bad ends. Gorbatchev est venu ici à Prague. Est-ce que ça a été un grand succès? On a dit beaucoup en Occident qu'il y a beaucoup de Tchèques qui l'ont applaudi et qui ont espéré une démocratisation de Gorbatchev. Vous avez été l'applaudir? Non, je n'y étais pas, parce que je n'aime pas les applaudissements. Je suis critique dramatique et les applaudissements, ce n'est jamais quelque chose de très juste, parce qu'on peut applaudir les choses bêtes aussi. Chez monsieur et madame Makonine. Mais non, à l'époque, il était là, on l'a applaudi et c'était quelque chose qui était très sincère et il y avait de l'espoir là-dedans, n'est-ce pas? Et tout le monde croyait que c'est déjà le moment où on va déclencher des choses chez nous. Mais ce n'était pas le cas. Mais c'est quelque chose. Moi, je pense que Gorbatchev, qu'il fasse leur politique à l'Union soviétique, et je pense, comme Ludvík Vasulík le dit toujours, que notre politique nous concerne nous les Tchèques, et pas les Soviétiques, et qu'il ne faut pas que ça vienne de l'Est, notre libéralisation ou notre démocratisation, parce que on n'a rien à voir avec les Soviétiques. Nous, on est les Tchèques et il faut que ça vienne de nous. Et si on attend que ça vienne de Gorbatchev, alors c'est déjà perdu d'avance parce que ce sera de nouveau la démocratisation qu'on va nous ordonner de l'Est. Et ce sera un peu un passe-quille pour moi. Même si j'estime personnellement beaucoup Gorbatchev, tout ce qu'il fait à l'Union soviétique, ça me plaît beaucoup. Beaucoup de gens qui parlent du printemps de Prague disent « c'est peut-être bien ce mouvement ». Mais c'était un échec politique. Est-ce que vous pensez que... C'était un échec politique à cause des choses connues, n'est-ce pas? On ne peut pas discuter avec les blindés. Mais les choses... Alors, tout ce qu'on a pensé à l'époque, ce sont les idées qui restent. Et les gens qui disent que c'était une erreur, une bêtise, à mon avis, ils n'ont pas raison. À mon avis, non. À mon avis, c'était une grande époque historique de ce pays. Vous ne croyez pas que ce serait important, par exemple, qu'un jour... En URSS, quand même, Gorbatchev dise « on a eu tort d'entrer avec les troupes du pacte de Varsovie à Prague ». Ah, moi, j'en suis persuadé qu'il va le dire. Alors, ce n'est pas le moment. Il faut qu'on le dise surtout chez nous. Il faut que c'est Yakesh qui le dit ou quelqu'un d'autre. Pourquoi Gorbatchev? Bon, d'accord, il est le chef du parti qui nous a occupés, mais c'est les Tchèques qui finalement ont demandé l'aide officielle. Alors, il faut que ce soit les Tchèques qui le disent officiellement. Pourquoi attendre toujours que Gorbatchev vienne le premier à dire quelque chose? Pourquoi ce n'est pas nous qui ne devrions pas avoir le courage de le dire? En tout cas, pour rester réaliste, je crois que ça doit venir là-bas. Je crois que tout ce qui se passe maintenant à l'Union soviétique, ça témoigne que le jour vient, que le jour s'approche déjà, où il doit être même forcé de le dire. Zbigniew Ejda, éditeur pragois. Tout se décide à Moscou. Et c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. C'est très important ce que ça déroule à Moscou, mais ce que se décide pour nous se doit décider ici. Václav Havel. To je taková stará bolest a stará nemoc československé. C'est une vieille douleur, une vieille maladie de la société tchécoslovaque, de toujours attendre une délivrance qui viendrait d'ailleurs, une fois de l'Ouest, une autre fois de l'Est. Et chaque fois, c'est mal à s'y prendre. Je pense que nous devons nous aider nous-mêmes. Et ce n'est qu'après que quelqu'un d'autre pourrait venir nous aider. J'aurais donc avant tout confiance en cette société. Pour ce qui est du futur, je pense que l'évolution en Union soviétique doit influencer d'une manière ou d'une autre, lentement, je ne sais quand ni comment, la situation chez nous. Déjà maintenant, elle influence dans une certaine mesure. Mais je n'y compterai pas trop comme on compte sur ce salut venu des cieux qui viendrait et ferait quelque chose à notre place. Finalement, je vous sens extrêmement sceptique vis-à-vis de ce printemps de Prague et donc presque critique par rapport à toute l'idéologie et aux symboles que ça représente. Aujourd'hui, vous avez l'impression que tout ça, c'est des vieilles choses, de vieilles histoires, que maintenant, il faut faire du neuf et que ce passé n'est pas très intéressant à creuser à l'occasion de ce 20e anniversaire. Quelle que soit la politique et les fautes commises par le pouvoir communiste réformateur, c'était en tout état de cause un temps merveilleux, un beau rêve. Mais ce rêve était tout le temps perturbé par des craintes permanentes que cela allait finir, pour qu'il faut qu'on se réveille, ce qui est effectivement advenu à l'arrivée des armées soviétiques. Il n'est donc pas juste de dire que je serais critique ou sceptique en ce qui concerne 1968, c'était vraiment une belle époque. Bien sûr qu'on peut avoir de nombreuses objections envers la politique menée par le pouvoir communiste, réformateur, que ce soit à propos de sa stratégie ou de sa tactique. Moi-même, je ne suis pas du tout un communiste réformateur. Nous pouvons néanmoins nous mettre d'accord sur un point. L'invasion soviétique était une énorme tragédie nationale. Elle a transformé cette société en cadavre pour de longues décennies. Elle a atomisé, démoralisé. Les conséquences que l'invasion a provoquées sont imprévisibles. Se rappeler le 20 août, encore et encore, c'est important. Bien sûr, avant tout ici, en Tchécoslovaquie. Mais si on en parle à l'étranger, ce n'est que tant mieux. Jiří Hájek. Je me demande quelles ont été les raisons de l'échec du printemps de Prague. Est-ce que c'était des fautes de nous? Est-ce que c'était des forces intérieures? Et la réponse est tout à fait claire. C'était les forces extérieures qui, dans la vie d'aujourd'hui, peut-être font disparaître certaines fautes et certaines faiblesses de nous-mêmes. Je me demande quelle est la position de Gorbatchev. Lui n'a pas de force extérieure. Exactement, je dis, il n'y a aucun pays dans lequel les tanks se prépareraient pour détruire la perestroïka. Jiří Hájek, est-ce que vous croyez que vous pouvez d'une manière ou d'une autre être associé à un nouveau pouvoir en Tchécoslovaquie? Je n'ai pas d'ambition de retourner dans des positions ministérielles, etc., etc. Je suis assez vieux pour ça. J'ai 75 ans. Et je crois qu'il y a bien d'autres qui puissent faire l'affaire, mais je crois qu'en même temps qu'il serait nécessaire vraiment qu'il y ait d'autres gens intelligents, instruits, sérieux, qui puissent effectuer la correction nécessaire des méfaits et qui ont été causés par la soi-disant normalisation et par l'équipe actuelle au pouvoir. Est-ce que la jeune génération, elle assume le printemps de Prague, et est-ce qu'il y a des jeunes qui assume les enseignements du printemps de Prague. Je crois fort bien. Je crois fort bien qu'il y en a. Et je crois qu'il y en a même dans les structures. Même dans le Parti communiste qui, naturellement, dont le caractère a très changé depuis, qui n'est plus ce qu'il était en 68, qui n'est plus un mouvement proprement dit, qui est plutôt une institution professionnelle. Mais même parmi les professionnels, il peut y avoir des gens honnêtes et des gens qui savent faire quelque chose. Alexandre Adler. Le problème d'interprétation du printemps de Prague, c'est que comme la Commune de Paris, il est exactement sur la médiatrice entre une période qui finit et une période qui commence. À certains égards, le printemps de Prague, c'est la dernière réalisation utopique d'un rêve, je dirais, communiste démocratique, qui a été celui de la génération des communistes de l'après-guerre, de la résistance. Et ce n'est pas un hasard s'il vient 20 ans après la prise de pouvoir en 48, avec les mêmes hommes, Józef Smirkowski, qui fut celui qui fit déferler les bataillons ouvriers sur Prague en 48, et qui est l'homme de 68. Et puis, dans le printemps de Prague, il y a aussi, quand même, une visée réformatrice du communisme, qui est finalement plus pessimiste, plus sombre, qui correspond mieux à la dureté de la tâche. Et celle-là, certainement, a un côté de projection utopique vers l'avenir. Et c'est dans cette expérience-là que Gorbatchev a puisé, qu'on devra puiser en Pologne, en Hongrie, dans tous les pays de l'Est, pour trouver une sorte de compromis possible entre despotisme éclairé et démocratie parlementaire. Ce sera difficile, mais disons, ce Prague difficile et incertain est certainement celui qui nous parle le plus, plutôt que le Prague empourpré et utopique qui nous a enthousiasmés probablement en 68 parce qu'il correspondait tellement à ces idées de la gauche qui étaient encore à cette époque à leur apogée. Prague 88, 20 ans plus tard. Le silence a recouvert la Tchécoslovaquie. Tristesse d'un peuple qui ne croit plus à son avenir, mais qui garde vivace le souvenir d'un certain printemps. Peter Hull. Malheureusement, depuis l'automne dernier, la situation n'est pas meilleure, mais au contraire, il y a un compte courant de la répression policière. La situation n'est pas encore si mauvaise qu'au début des années 80, mais il y a un an, c'était beaucoup plus libre pour nous qu'aujourd'hui. Alors, il y a aussi des procès politiques, petits, plutôt les amendes, des peines avec sourcils, etc. Il y a aussi ces derniers six mois, deux arrestations politiques, c'est deux détentions préventives. Monsieur Ivan Polanski de la Slovaquie, qui a aujourd'hui son procès à Banská Bystrica pour la subversion de la République et qui peut recevoir jusqu'à 10 ans de la peine. Pour le samizdat catholique et civique. Et un jeune homme qui s'appelle Camille Petrovitsky, un punk, on dit punk en français, punk aussi, qui aura son procès, qui est dans la détention préventive, pour un conflit avec un agent de police qui était provoqué par l'agent et non pas par le garçon. Petr Pitard, aujourd'hui 40 ans. La société tchécoslovaque ne croit pas au changement parce qu'elle a toujours devant elle l'exemple vivant des gens qui ont relevé la tête il y a déjà longtemps, par exemple les chartistes, et qui sont encore aujourd'hui ouvertement persécutés. Donc, tant que le sort de ces gens ne changera pas, je doute que l'atmosphère en Tchécoslovaquie changera de manière significative. Thank you. Michel Fleischmann. Moi, je considère que ma génération est une génération d'une guerre. D'une guerre qui n'a pas été déclarée, mais d'une guerre. Je suis un enfant d'une guerre. Et cette guerre-là, non seulement on n'a pas pu en parler à l'époque, non seulement on n'a pas pu vraiment dire ce que nous avons vécu, ce qui se passait en nous, ce qu'on avait voulu vivre, ce qu'on aurait pu vivre. Bon, il est évident que les gens qui sont restés en Tchécoslovaquie ont perdu encore plus. Nous, on a quand même... Aujourd'hui, on est là. On parle. Pour parler de ceux des générations qui nous ont suivis, qui ont 20 ans aujourd'hui, qui sont nés vers les années 68, chaque fois que l'on discute avec eux, on peut s'apercevoir d'une chose assez intéressante, c'est qu'ils nous presque reprochent, ils nous reprochent presque, que nous, on avait la possibilité de se bagarrer pour quelque chose, de faire quelque chose, et qu'on avait donc une vie rempli par des événements, alors que depuis 20 ans, il ne s'est strictement rien passé. Jan Komilac émigra en 1948, à l'âge de 20 ans. Pendant 20 ans, je ne pouvais pas, puisque je suis parti illégalement de Tchécoslovaquie. Donc je ne pouvais pas prétendre de retourner. Mais presque chaque jour, je rêvais de revoir mon pays, parce que, et surtout revoir toute ma jeunesse. C'était toujours la nostalgie. Hein. On aime bien toujours son pays. On ne peut pas oublier. Alors là, si on ne peut pas retourner, eh bien, ça fait mal, quoi. Mais au bout de 20 ans, quand même, c'était le printemps de Prague. Ben, on était parti en Tchécoslovaquie. Et c'était très bien, mais malheureusement, notre séjour était raccourci par l'invasion soviétique, enfin, le pacte de Varsovie. Quoi. C'était en août 68, voilà. Quelle attache alors encore avec la Tchécoslovaquie? Ah, ben, bien sûr, quand c'est par exemple dans le sport, et puis quand... Par exemple, au tennis, Lendl joue contre Noah. Je suis pour Lendl. C'est comme ça. Voilà. L'autre 68, Prague, 20 ans après. Texte dit par Claude et Catherine Rich et Jean-Luc de Baptiste. Mixage Pierre Mine et Jean-Michel Coqui. Traduction de Michel et Pierre Fleischmann. Nous tenons à remercier Michel Fleischmann et Madame Rozova pour leur exceptionnelle contribution à la documentation et à la traduction de cette émission. Une émission de Anne Kobilac, Blandine Masson et Antoine Spire. Jak mocnych spin musisz przekroczyć Krzywdza leś, a nasyli Kesztwą halabunę schili Te drzwi L'émission, le dernier volet d'une série de trois, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 12 août 1988. C'était les années 60, document INA Annie Lozana, réalisation Virginie Mourtet, une émission de Philippe Garbi. Prochain rendez-vous, 1968, la suite. Et d'ici là, à vous de télécharger cette émission, comme tous les précédents rendez-vous de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique « C'était les années 60 ».